On a pris l'avion tôt le matin, on est allé à Lille. On est arrivé à Lille vers 10h. Il y avait déjà énormément de monde, des gens qui attendaient déjà depuis 8h du matin. Le classe au clair du bruit pour Nathieu, notre invité ce matin. Trois villes, trois émissions énergie, tout ça en une journée. 25 mars, ça c'est le zénith de Lille. Yes. Et puis le parc du Prince d'Adj. Parce que d'habitude, c'est le parc des princes. Ouais, le 7 juin 2020, ça va être le parc du Prince d'Adj. Ça va être le parc du Prince d'Adj. Il est comment d'Adj en brise à Lille? Il est beau et il est gentil. Oh, c'est trop mignon. Salut à tous, je m'appelle Gaëlle. On est parti sur la journée entière en dédicace avec d'Adj. Là, actuellement, on est à Lille. Après, on part à Nantes et à Toulouse. Ok, ok, Lille, c'est terminé. Direction Nantes. Les choses se passent. Les gagnants sont toujours là. Oh, oh, ah. En direct du centre commercial Atlantis cet après-midi sur Énergie Nantes, l'émission spéciale avec d'Adj en public. Comment ça, d'Adj? Yeah, ça va à fond, vous êtes super bien. Ici, vous êtes plus chaud qu'à Lille ou est-ce pas? Est-ce que Nantes est plus chaud? Nantes, il y avait encore plus de monde, donc on a fait encore plus de photos, bon, on a signé encore plus de CD. Bah, merci à toi, en tout cas, d'Adj d'être passé, et puis tu reviens quand tu veux. Hein. Ok. On est reparti pour aller à Toulouse. Direct de Toulouse. Et à Toulouse, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. C'est là qu'il y avait vraiment le plus de monde. Et le magasin était vide carrément. Il n'y avait plus de CD. Les gens se plaignaient parce qu'ils voulaient acheter des CD, mais il n'y en avait plus. Il est là! Salut, d'Adj! Ça va? Ça va et toi? Ouais, je suis content de voir qu'il y a toujours autant de monde partout où on va. C'est la folie, faites du bruit, fenouillet! Pour l'opportunité, c'est vraiment quelque chose de fou. Enfin, on a l'expérience de vivre comme ça une fois dans sa vie et merci vraiment. Énergie.